anime cette émission en compagnie d'une équipe de collaborateurs. Chroniques, entrevues, reportages, capsules, revues de presse et tables rondes vous font découvrir sous toutes ses facettes les arts visuels à Québec. Communication, culture. À découvrir sur la fabrique culturelle. Puisque au-delà du traitement de la voix, au-delà de l'instrument, il y a aussi l'humanité derrière le chanteur. Caroline, Sonia et l'Opéra au Conservatoire de musique. J'essaie d'être le meilleur professeur que je peux, de donner le meilleur de moi-même, leur montrer ce qui les attend, que c'est pas que du rêve, mais il y a quand même des difficultés. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Le but, c'est de les amener professionnels pour qu'après, ils puissent voler de leurs propres ailes. Bonsoir à tous, vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale. C'est votre magazine radio consacré entièrement à l'univers des arts visuels dans la ville de Québec. Nous sommes toujours sur les ondes de CKRL 89.1 et c'est Jean-Tienne La France qui est avec vous pour la prochaine heure. Je vais d'abord recevoir en première partie d'émission deux co-commissaires de l'exposition ExoMars, Sylvia Pellissier et Florence Gariepi, comme je le disais tout à l'heure, qui se sont donné ce beau défi de commissarier une exposition avec les étudiants à la maîtrise en arts visuels et médiatiques à l'Université Laval, ExoMars. C'est une exposition qui s'inscrit également dans le cadre de ce volet jeune commissaire de Manif d'art. Et on va avoir l'occasion d'en parler après la pièce musicale. Ensuite, en deuxième partie d'émission, il y a Raphaël Ouellette qui est co-commissaire de l'exposition Jeux de pouvoir, qui est une exposition qui est présentée à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval. Chaque année, le comité des étudiants en histoire de l'art organise une exposition, font un appel et avec un thème bien précis. Et cette année, c'est les Jeux de pouvoir et c'est décliné de différentes manières. Raphaël Ouellette va avoir l'occasion de nous en parler en profondeur en deuxième partie d'émission. Et en toute fin d'émission, c'est Myriam Leland qui vient nous rejoindre pour parler de l'exposition Animation de l'artiste Anna Claus qui est présentée au musée Huron-Wendat à Wendake. C'est une exposition solo présentée dans le cadre de Manif d'art. Et bien, j'ai très, très hâte d'en entendre parler parce que c'est une artiste que j'apprécie beaucoup. Simon Roy, cette semaine, nous propose de découvrir Block Data. C'est un projet musical de Newcastle, au Royaume-Uni. Et c'est une musique qui est comme faite à partir de sons réels, qui sont synthétisés, qui sont mélangés avec des sons de synthétiseurs. Il y a des changements de tempo. Ça donne un résultat qui est assez abstrait. C'est un paysage sonore qui peut être parfois très planant, là, vous allez voir. Donc, on se laisse avec un extrait de Tethered. Et au retour, c'est Sylvia Pellissier et Florence Gariepi qui viennent me rejoindre au micro. Thank you. J'ai avec moi en studio Sévia Pellissier, bonsoir. Allô. Et Florence Gariepi, bonsoir Florence. Bonsoir. Vous êtes co-commissaire d'une exposition que vous avez décidé d'appeler ExoMars. On pourrait peut-être commencer par le titre et après on va développer un peu plus. En fait, on va mettre un peu en contexte. C'est une exposition qui est faite avec les étudiants à la maîtrise en arts visuels et médiatiques à l'Université Laval, c'est ça? Et pourquoi est-ce que vous avez décidé d'appeler ça ExoMars? Oui, on avait besoin de réfléchir à un thème qui serait pas restrictif au niveau des œuvres qui allaient être produites. Hein, évidemment, mm-hmm. fallait pas que ce soit un thème qui dirigeait trop la production parce qu'on a quand même justement 22 artistes. Donc, comme on souhaitait ouvrir l'exposition à tous les artistes étudiants à la maîtrise en arts visuels, on avait besoin d'un titre qui soit inclusif sur cette idée-là. Et à la base, ce qui nous a donné envie de travailler avec ces artistes-là spécifiquement, c'est le fait qu'on avait toutes les deux visité l'exposition des étudiants à la maîtrise lors du Mars de la maîtrise, qui est un événement, c'est ça, à tous les ans, où ils font des conférences, des expositions, ils ouvrent en fait leurs ateliers, qui sont les ateliers du roulement à billes, pour que les gens aient l'occasion d'aller visiter et de découvrir leurs pratiques. Donc, c'est ça qui nous a inspiré à la base à mener ce projet. On voulait prendre un peu les rênes de cette exposition. On s'est dit, il y a quelque chose d'intéressant à faire avec ça. On avait déjà eu l'occasion, Sévia et moi, de travailler en collaboration avec des étudiants de la maîtrise mm-hmm. en visuel, en fait, des étudiants en arts visuels mm-hmm. dans le cadre de l'exposition Monstrum Infronté, il y a déjà 2 ans. Donc, on souhaitait un peu refaire ce projet-là. Et donc, le titre ExoMars, mais c'est arrivé de façon un peu cocasse. On avait l'idée du Mars de la maîtrise. Évidemment, le mot Mars s'inscrivait très bien dans l'idée de si petit entre les étoiles, si grand contre le ciel. Oui, parce qu'il y a le Mars, le mois, mais c'est également une planète. Exactement. Et là, ExoMars, en fait, c'est le nom d'une mission sur Mars. Il y a vraiment une mission sur Mars qui s'appelle ExoMars. Wow! Et donc, on a voulu reprendre ça. Et l'idée, surtout, de sortir les œuvres des ateliers du roulement à billes. Donc, on sortait à l'extérieur du Mars de la maîtrise. Donc, c'est devenu ExoMars. Pour nous, ça incluait toutes les petites réflexions qu'il y avait eu derrière la mise au pied de cette exposition. Donc, on sort de ces ateliers du roulement en baie. Là, pour mettre en contexte, le roulement en baie, c'est les ateliers qui sont attribués aux étudiants à la maîtrise. Ils sont là pendant 2 ans pour pouvoir explorer, pour pouvoir s'approprier les lieux. Puis c'est aussi un lieu de socialisation, un lieu d'exposition parfois. Mais là, vous avez décidé de les sortir un peu de leur zone de confort. C'est ça, Sévia? Bien, en fait, notre objectif à la base, c'était de voir comment ces artistes-là pouvaient vivre un peu comme un écosystème, dans la mesure où certains vont s'influencer, certains vont au contraire complètement détonner les uns des autres. Et on trouvait que dans leurs ateliers, il y avait beaucoup de place au travail et à l'exploration. Et on avait envie de les sortir pour montrer la finalité d'un travail en atelier. Donc, vraiment, d'exposer une œuvre terminée, complète, qui n'est plus en retravail, qui n'est plus re-questionnée et qui serait terminée. Donc, on a décidé de les sortir, mais le thème de l'atelier est central à notre réflexion, étant donné qu'ils travaillent ensemble, c'est un groupe. Donc, on a voulu aller chercher un lieu qui était près de ces thématiques-là, et c'est là que les ateliers du réacteur nous sont apparus, dans la mesure où cet endroit-là, à la base, ce sont des ateliers d'artistes. Mm-hmm. Il y a cette proximité avec le fait main, le pas parfait, le test, la transition. Et donc, on voulait avoir ce rapport-là, mais on voulait également les déstabiliser en les sortant de leur cocon habituel pour mm-hmm. les montrer vraiment dans un autre environnement. Et c'est les ateliers du réacteur qui accueillent cette exposition-là. Et là, vous avez 22 artistes qui y exposent. C'est quoi les plus grands défis, mettons, que vous avez eu à relever là, à date, parce que c'est pas encore terminé, là, ça a débuté vendredi, pour exposer 22 artistes dans un même milieu? Bien, le mot que tu dis, c'est le plus gros problème, c'est 22. Oui. Normalement, on va avoir des expositions de groupes à 6 personnes, 4 personnes, 3 personnes. 22, c'est un immense nombre. Mm-hmm. Donc, notre solution à ce problème-là, ça a été de créer sur deux étages, deux salles différentes avec des ambiances différentes. Mm-hmm. Donc, on a un premier étage qui est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus près, on l'appelle à la blague, notre étage plasticien. Donc, ici, on est vraiment dans un rapport de lumière. Et au contraire, au-dessus deuxième étage, on va avoir un rapport qui est beaucoup plus sombre avec les œuvres. Donc, on va rentrer dans quelque chose qui est plus enveloppant, mm-hmm. mais aussi plus près, je dirais, des thèmes de la technologie, des nouveaux médias. Donc, on a deux ambiances différentes et ça nous a permis de montrer également deux facettes de ces ateliers-là. Ce qui est fascinant, c'est que on aurait pu penser qu'on aurait classé ces étudiants-là en première et deuxième année de manière assez cassée, mais finalement, les premières années, les deuxièmes années se mélangent. Ouais. C'est beaucoup, c'est très homogène, en fait, la manière dont on a placé les œuvres dans l'espace. Donc, il y a une rencontre entre ces différents niveaux d'études, mettons, là. Mais j'aimerais ça qu'on parle de tous les artistes. j'ai la liste en ordre alphabétique. On y va. Comme tel qu'est proposé dans le communiqué de presse. Donc, on pourrait commencer par parler du travail de Francis Sarguin. De quoi on peut s'attendre là, de Francis? Oui, Florence Gariepi. Exact. En fait, Francis, évidemment, il y a une pratique d'abord dans l'art-action. Et là, c'est vraiment tourné... En fait, il a réinvesti un peu les objets qu'il utilisait déjà dans ses performances. Il leur a donné beaucoup plus d'autonomie et maintenant, il crée des constructions, presque des sculptures d'objets fortuits. Il y a vraiment une idée d'assemblage, presque du casse-tête. Donc, lui-même se laisse surprendre justement dans ses constructions en ne prévoyant pas la finalité de la structure d'avance. Donc, c'est quelque chose d'organisé, mais qui joue sur les équilibres précaires, les rapports de forme. On va vraiment retrouver des objets du quotidien, autant un crayon de plomb qu'une équerre, qui vont être incorporés dans l'élément, mais parfois, justement, ces objets-là vont être détournés pour sortir de leur fonction d'origine et n'exister que par leur forme. Donc, c'est vraiment intéressant comme recherche plastique, très dynamique visuellement. Et donc, pour Joanne Bertiome... Joanne aussi, en fait, elle est justement sur notre étage d'artistes qui ont un rapport à la technologie, mais de façon très intéressante, sa pratique part souvent d'observation d'images d'archives. Joanne est... une réflexion en fait sur le corps, sur la représentation du corps et tous les dictats évidemment qui viennent avec ce culte du corps. Donc, elle utilise parfois des images d'archives, donc des vieilles publicités ou des images même qu'elle va tourner sur des corps qu'elle connaît, le sien aussi parfois. Mm-hmm. Elle se met en scène dans ses œuvres pour représenter souvent les micro-altérations qu'on fait pour répondre à un idéal visuel. Oui, et Myrtille Breton, sur quoi elle travaille? Myrtille, c'est également une artiste qui travaille la vidéo. Dans ce cas-ci, elle va présenter en fait le résultat d'une sorte de performance filmée. Myrtille a aussi touché à leur performance devant auditoire, on pourrait dire avant. Là, elle fait de la performance filmée. Et là, c'est des mouvements de laisser-aller du corps qu'elle a réalisé sur les quais du port de Québec. Donc, elle se met en scène encore une fois, met tout ça sur le rythme d'un texte qu'elle a choisi. Donc, il y a vraiment... elle dit elle-même faire une traduction, on pourrait dire, des mots en gestes pour arriver à une sorte de langage singulier et poétique. Oh, ça promet. Alexandre Dunn, maintenant. Oui, j'ai l'air de prendre le monopole du micro. Mais c'est comme ça que la division s'est faite. On a travaillé plus spécifiquement sur certains artistes. Oui. Alexandre... C'est justement, je pense qu'on peut revenir à l'idée d'artiste plasticien. Elle a une pratique qui pourrait peut-être se ramener davantage à une pratique académique dans la mesure où elle travaille la peinture à l'huile sur toile. Okay. Mais son approche est vraiment personnelle et sensible dans la mesure où elle s'intéresse à son milieu, à sa ville natale. Elle vient de Thetford Mines. Mm-hmm. Et donc, elle travaille in situ d'abord. Elle va prendre des photographies des mines désaffectées de Thetford Mines et les réinvestit en fait avec une sorte de vision poétique des couleurs. Pour elle, les mines de Thetford Mines, c'est pas seulement la cicatrice laissée sur Thetford Mines, l'amiante, négative, dangereuse. Elle, comme elle dit, c'est le paysage de son enfance, c'est ses premiers terrains de jeu, pour ainsi dire. Donc, il y a vraiment cette vision réenchantée. Ouais, exact. Ouais, un côté plus onirique qui se traduit dans une palette très vive, très colorée. Ouais. Il y a quelque chose de très, très intéressant dans les œuvres d'Alexandre. Et Sylvia Pilissier, est-ce que tu peux nous parler du travail d'Isabelle Falardeau? Certainement. Isabelle Falardeau, à la base, c'est une photographe qui s'intéresse aux endroits, je dirais, un peu délaissés de l'œil habituel. Donc, des stationnements, des raccoins, des espaces semi-aménagés. On est très près du non-lieu, effectivement. Mais en fait, elle va prendre ces images-là, elle va les désaturer complètement. Ça va devenir des images presque blanchies. Donc, elle va éliminer les détails. Et ce qui me fascine dans sa pratique, c'est qu'elle va investir également un cadre ou, je dirais, plutôt une structure dans laquelle elle va exposer ses images. Donc, le cadre devient une partie intégrante de l'œuvre et ça va rappeler une architecture classique de maison où on va avoir des poutres et vraiment, je dirais, une réflexion sur l'architecture et sur l'habité, finalement. Donc, un rapport très domestique à des paysages extérieurs urbains. Exactement. Là. Et pour le travail d'Héloïse Foulon? Héloïse Foulon, c'est une artiste française qui a une pratique que je trouve très philosophique. Oui. En fait, elle a une pratique sémiologique où elle va s'intéresser à l'objet, à la représentation qu'on se fait d'un objet et la manière dont on va le réinvestir. Mm-hmm. Dans le cas de notre exposition, elle s'est intéressée particulièrement au motif de la grille, mais également à reconstruire l'espace en tant que tel, la pièce. Donc, je vous gâche pas de punch, mais elle va reconstruire une espèce d'espace à l'intérieur de la galerie. Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre du travail de Cassandra Graham dans le cadre de l'exposition ExoMars? Cassandra Graham, elle s'intéresse, je dirais, au banal de l'esthétique de banlieue. Mm-hmm. Donc, elle va aller chercher des maisons de style bungalow et elle va aller chercher des détails comme les planchers ou bien les murs qu'elle va reconstruire par la suite. Et là, on expose des planchers muraux de cette artiste-là. Donc, tout le monde a le même sentiment de familiarité en les regardant, mais en même temps, il y a quelque chose d'étrange de les voir décontextualisés. Oui, c'est ça, c'est déstabilisant. On essaie de trouver le lien, là. Et Pauline Grandzac va également faire partie de l'exposition ExoMars. Florence Gariépy, est-ce que tu peux nous parler un peu de son travail? Oui, Pauline travaille principalement, en fait, le dessin, donc que ce soit à l'encre, au crayon plomb, elle mêle les médiums. Et elle s'intéresse, en fait, à l'observation de la vie, vraiment toute forme de vie et aux forces qui semblent les régir. Donc, en fait, quand Pauline dessine, elle va souvent travailler le motif de l'oiseau, qu'elle associe un peu à sa mythologie personnelle, et elle va donner à ces vols d'oiseaux, en fait, vraiment à ces espèces d'assemblées d'oiseaux, des formes qui peuvent évoquer le mouvement des foules, les murmurations des tourneaux, évidemment, aussi, mais aussi les comportements sociaux des fourmis. Il y a quelque chose vraiment d'une juxtaposition des comportements de différentes sources de vie dans son œuvre qui vont justement se matérialiser dans quelque chose, encore une fois, de très dynamique, un mouvement organique dans ses œuvres dessinées, qui est très intéressant. De ces vols d'oiseaux là, qui sont toujours très fascinants. Et qu'est-ce qu'il y en a de Laurence Gravel? Laurence Gravel, c'est à la base une artiste vidéaste qui fait également beaucoup dans l'installation. Elle a un univers flamboyant, très rococo. On va avoir quelque chose près de Marquise et d'un effet très Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Et elle va investir l'espace avec un mobilier et des vidéos afin de rentrer un peu plus dans son questionnement sur la beauté et la vision de la beauté au travers les époques. Donc, une réflexion esthétique aussi qui s'installe dans son travail à Laurence Gravel. Et le travail de Delphine Hébert... Oui, c'est bien Pélissier. Oui, c'est un peu compliqué de se passer la balle comme ça. Oui. Delphine, c'est une artiste qui s'intéresse au lieu, à l'espace, et qui va un peu reconstruire ces espaces-là, mais il va les déjouer par plusieurs jeux de miroirs, de vidéos. Donc, pour montrer un seul espace dans lequel on est, elle va utiliser un chemin en plusieurs étapes qu'elle va décomposer. Avec les technologies aussi. Avec énormément de technologies. Ça devient tellement confus à un moment donné, le travail de Delphine Hébert. Caméra, ça bouge, il y a des miroirs un peu partout. Mm-hmm. Puis, la question qu'elle va poser, c'est qu'est-ce qui est le vrai, qu'est-ce qui est le faux, où est-ce qu'on est? Des questions qui sont jamais résolues, mais très confortables, pourtant. Oui, vraiment, toute la question de du média qui vient s'interposer entre la réalité et l'expérience du réel. Et pour ce qui est d'Olivier Hébert, on est vraiment plus dans quelque chose de très, très peinture, mais qui aborde pas nécessairement la couleur, mais plus l'objet pictural. Pas du tout. En fait, il utilise la... Ben, oui! il va utiliser les matériaux de la peinture, mais d'une autre manière. Okay. C'est-à-dire qu'il va prendre la toile, mais il va pas peindre dessus, il va l'imbiber de peinture à l'huile noire. Par la suite, il va prendre un cadre, un canevas, mais il va pas mettre sa toile de manière régulière, il va plutôt la brocher à l'aide d'agrafes sur la toile. Donc, ça parle de la matière. Oui. Il y a vraiment une position, une posture, je crois, qui est critique par rapport à l'art et au statut de l'art. C'est un de nos artistes qui s'intéresse le plus, je dirais, à sa posture d'artiste et qui va vraiment prendre ça comme un travail très sérieux dans lequel il accomplit une tâche. Oui, puis c'est le travail du peintre au-delà de seulement peindre la toile, c'est exactement. De la monter, c'est de la cadrer, c'est de jouer avec. Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre de Vincent Hain? C'est de la vidéo, je crois. Et c'est de la vidéo, ouais. Mais c'est de la... Pour ainsi dire, c'est presque de la vidéo de quelque chose de performatif, parce mm-hmm. qu'en fait, c'est ça. C'est un mélange de sculpture, de vidéo, de création sous toute forme. Vincent Hain, c'est évidemment un artiste pluridisciplinaire. Et donc, il se filme dans son espèce d'atelier laboratoire. On le voit procéder à différentes interventions sur des matériaux qu'il incorpore à sa pratique. Souvent des matériaux qu'on va voir qui viennent d'une esthétique plutôt commerciale, industrielle. Les couleurs aussi, on retrouve souvent des couleurs très criardes, donc qui nous rappellent un petit peu la publicité. Oui, il y a quelque chose d'un peu kitsch là, dans le travail de Vincent. Il y a quelque chose c'est ça, dans ces couleurs-là qui sont trop saturées parfois et qui nous ramènent à cet univers. Et donc, il intervient sur ces formes et va orchestrer le tout selon différents rythmes pour parfois en fait sublimer un peu la lenteur des interventions et de l'autre, créer quelque chose de très dynamique dans le rythme. Mm-hmm. Et donc, on se penche encore dans le faire, un peu comme dans Olivier Hébert. Et Fanny et non Lévy, qui a été chroniqueuse ici pendant plusieurs années à l'émission, et donc elle est à la maîtrise également. Tout à fait. Donc, on a la chance de l'avoir avec nous pour l'exposition. Fanny, ben, comme vous l'avez connue un petit peu, c'est ça, c'est une artiste qui a une pratique, on pourrait dire presque d'art social. Oui. Donc, qui travaille beaucoup dans les interventions auprès de la communauté. Pour elle, c'est avant tout l'acte créateur qui prédomine sur le rendu, sur l'œuvre finale, pour ainsi dire. Donc, elle nous propose une installation, quelque chose qui va permettre aux artistes, mais aussi aux invités, en fait, de découvrir sa pratique et même peut-être d'intervenir. Vous verrez bien si vous passez à l'expo. Il va y avoir quelque chose de peut-être de plus interactif. Là. Exact, possiblement. Et le travail de Laure Jean-Belle, je ne connais pas. Oui, Florence Garriépy. Oui, c'est ça. Laure, en fait, c'est également une artiste française. On en a quelques-unes dans notre exposition. Mm-hmm. Elle travaille principalement la photographie. Ouais. Donc, c'est une artiste qui, depuis longtemps, s'intéresse aux figures d'une féminité en marge, pour ainsi dire. Donc, okay. Elle a travaillé avec... Donc, décors atypiques ou... Décors atypiques, mais même dans les... On pourrait dire une définition de féminité, par exemple. Elle a travaillé avec des travailleuses de rue. Okay. Elle a travaillé avec des drag queens. Donc, c'est une féminité qui ne correspond pas, on pourrait dire, à une description typique de la féminité, qui est plus inclusive. Et là, en fait, elle présente une série photographique où c'est une de ses connaissances, une jeune étudiante au doctorat en sciences, qui est représentée et qui, justement, nous permet de voir cette femme qui investit un milieu majoritairement masculin et le tout présenté sur en fait, des photographies rétroéclairées. Donc, on a vraiment l'impression d'avoir un rapport particulier à l'œuvre, cette lumière qui semble irradier de son modèle. Intéressant. Et Claudel Lozière-Vana, je pense qu'il travaille plutôt en peinture, lui. Ça dépend, je dirais. En fait, c'est vraiment un mix média. Normalement, il va partir de peinture, d'objets trempés dans la peinture. Puis ensuite, il va les photographier. Et de ces photographies-là, il va faire des montages. Donc, on a vraiment une espèce de transmédia, j'oserais dire, pour aller toucher des questions qui sont toujours sur la marge, sur la limite. Je dirais que sa pratique est fondamentalement queer dans la mesure où il va toujours questionner la non-binarité des médiums, des personnes et même des objets. Et Olivier Moisan Dufour, on l'a déjà reçu ici à l'émission. Il y a quelque chose de sculptural dans sa pratique. Tout à fait. Ouais. En fait, on présente un tableau de lui et ainsi qu'une sculpture. Lui va faire des objets d'art qui vont commencer par une sculpture et qui vont ensuite retransposer en peinture. Ce sont des objets abstraits, mais qui sont très construits avec beaucoup de volume. Je pense que ça vaut la peine de le voir, par contre, pour mieux le comprendre. Oui, c'est ça, pour vraiment comprendre la traduction de la volumétrie. Là, Héloïse Plamondon-Pagé, qu'on a eu comme chroniqueuse également ici à l'émission. Elle travaille beaucoup en estampe. Puis, avec jadis, on la voyait travailler des couches successives d'images, très travaillées, très carrées. Cette fois-ci, elle éclate sa boîte. Elle va faire quelque chose de beaucoup plus spacieux et elle invite le regardeur à entrer dans sa pièce. Okay. Donc, on a quelque chose de plus naturel, je dirais, plus immersif. Plus immersif et plus laissé aller. Ouais. Parce qu'il y avait quelque chose de très... Bon, c'était dérangé. Oui. Et puis, à quoi on peut s'attendre de Charles Robichaud? Charles Robichaud, c'est un artiste qui est entre la peinture et la sculpture. Ouais. Cette fois-ci, il nous offre une sculpture magnifique qui s'appelle Chain Block, très massive, mais avec beaucoup de légèreté à l'intérieur. Je pense que Charles a vraiment trouvé un filon et il est sorti de sa boîte. Je vous laisse laisse réfléchir à ça lorsque vous verrez l'œuvre. Et Étienne Gabriel Rousseau. Étienne, c'est un peintre qui fait dans l'abstraction. En mm-hmm. fait, il va faire une abstraction émotive qui va peut-être rappeler les détails du paysage tout en étant toujours en abstraction. Il se compare souvent à John Mitchell dans sa pratique. Ah, OK. Et puis, Jérôme Trudel, là, est-ce qu'il va nous faire de ses sculptures éclatées? Tout à fait. Blancheur? Oui. Exactement. Donc, il y a l'idée de ce corps éclaté, mm-hmm. de cette réflexion sur notre propre précarité et l'évanescence de la vie humaine. Donc, il va y avoir ça qui va investir l'espace aussi dans ses suspensions qui sont typiques de son esthétique. Alors, c'est un rendez-vous. Le vernissage, c'est vendredi, le 29 mars, à 19h, aux Ateliers du Réacteur. Merci, Sylvia. Merci, petite Florence. Merci. Et nous, on part rapidement en pause publicitaire. Merci. L'émission de cinéma Situation Critique, c'est 8 chroniqueurs qui se succèdent au micro pour vous parler des films à l'affiche et de l'actualité cinématographique. Situation Critique, chaque mercredi, 18h30, aussi disponible en balado-diffusion. Une présentation du Cinéma Le Club, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Pêche, programme d'encadrement clinique et d'hébergement, maison de la famille Louis Hébert, Harmonie Montmorency, carrefour d'éducation à la solidarité internationale. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Isabelle, de la succursale de Loretteville, vous suggère « Nous sommes là » d'Oliver Jeffers aux éditions Kaléidoscope. L'auteur nous charme avec ses histoires simples, drôles et intelligentes. Ses illustrations colorées nous expliquent ici la nature dans son ensemble. Un livre à offrir à tous les nouveaux parents. Et Stéphane, de la succursale de Saint-Roch, vous propose « Felipe, une légende dominicaine » de Peter Kerazotis aux éditions Urtubiz. Ce livre nous montre la vie abracadabrante de Felipe Alou, notre monsieur baseball à nous. Un parcours passionné et passionnant à dévorer pour faire passer l'hiver. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, des libraires passionnés et plus de 50 000 titres à vous proposer. 1100 rue Saint-Jean et 286 rue Saint-Joseph-Est. Ouvre la porte. Faut que tu m'écoutes. Ouvre. J'ai pas les clés, c'est eux. Qui eux? Ben eux, de l'autre bord de la porte. What the fuck, eux? Pourquoi ils feraient ça? Mais d'après moi, ils entendent que ça se passe pas comme prévu. Ils entendent pas grand-chose considérant le nombre de mots qui sont sortis de ta bouche. Ou peut-être qu'ils nous laissent un peu d'intimité, peut-être qu'ils pensent qu'on fait l'amour. Je dis juste... Ta gueule, mon père nous a enfermés ici. Non, peut-être ta sœur aussi. Mon père et ou ma sœur nous ont enfermés dans le salon, c'est ça que tu me dis? Le Théâtre Premier Acte, en collaboration avec la Caisse des Jardins de Québec et le collectif Cognac, présente Embargo, du 2 au 13 avril prochain. Pour information ou achat de billets, visitez lepremieracte.ca. Les 29, 30 et 31 mars, c'est le Radioton de CKRL. Des invités de marque, des prestations et des émissions spéciales en direct de nos studios vous seront proposées tout au long de cette fin de semaine festive. C'est le temps de venir voir et entendre vos animateurs et animatrices préférés. Et c'est aussi le bon moment pour renouveler votre carte de membre, de miser sur nos nombreux lots ou bien de faire un don. Ce Radioton vous sera présenté grâce à nos partenaires majeurs. La Boîte à pain, la Barberie, le Bal du Lézard, Audiolite et l'Hôtel Château-Laurier. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. We'll be right back. De retour à l'aérospatiale et j'ai avec moi en studio Raphaël Ouellette. Bonsoir. Bonsoir. Raphaël, tu es co-commissaire de l'exposition Jeux de pouvoir qui est présentée actuellement à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval. C'est l'exposition là, qui est présentée depuis, à chaque année. C'est le comité d'exposition des étudiants en histoire de l'art qui présente une exposition avec un appel de dossier, un sujet qui est réfléchi d'abord. Avant l'appel de dossier. Et cette année, l'exposition se nomme « Jeux de pouvoir ». Et vous avez décliné un peu cette idée de pouvoir de différentes manières. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces différentes manières dont ce thème est décliné dans l'exposition? Oui, en fait, nous, on trouvait ça important de donner, à la fois pour nous, de définir vraiment qu'est-ce qu'on voulait dire par « jeu de pouvoir », puis pour les artistes qui puissent proposer... Des œuvres puis des idées qui sont diversifiées, ouais. mais qui sont quand même reliées par le même thème. Ouais. Donc, en premier, il a montré, parce que pour nous, c'est peut-être au niveau zéro, l'œuvre d'art, ça peut être un moyen de représentation, donc de montrer quelque chose. Mm-hmm. Puis, en lien avec le thème de l'exposition, c'est justement montrer les jeux de pouvoir, ouais. puis de, justement de mettre en lumière ces relations-là, ces jeux de force qui régissent notre monde, qui régissent notre société, qui régissent notre relation non seulement aux autres, mais aussi à notre environnement, aux animaux pour certains, face à nous-mêmes aussi. Donc, c'est quelque chose qui... Donc, en premier, montrer pour nous... C'est de révéler à quelque oui. part. Oui, oui, oui. Et puis ensuite... imposer, nous autres, c'est imposer ou s'imposer, c'est vraiment au niveau de l'agentivité de l'artiste. Ouais. Donc, oui, l'artiste, il peut montrer, mais il fait également partie des jeux de pouvoir qui régissent ouais. notre société. Puis, il y a une certaine responsabilité par rapport à ce qui est montré, là. Oui, exactement. Ouais. Puis, il y a une certaine possibilité qui s'ouvre. Mm-hmm. En fait, nous autres, on trouvait ça intéressant aussi, cet aspect-là est aussi lié avec le verbe « pouvoir », donc « pouvoir faire quelque chose ouais. » qui est pour nous le moyen que l'artiste peut prendre pour s'inscrire au monde finalement. Et la troisième déclinaison de ce concept de pouvoir que vous avez travaillé, Charlotte Guérin et toi, en tant que co-commissaire, c'est manœuvrer. Puis là, on est beaucoup plus près de la création artistique là, avec ce concept-là. Oui, parce qu'en quelque sorte, manœuvrer, ça peut être justement utiliser un peu les deux premiers sous-thèmes mm-hmm. pour manœuvrer, pour effectuer un changement, pour changer les mentalités. Puis, on trouvait ça intéressant aussi de souligner que l'art, c'est pas quelque chose qui est séparé de la société, c'est quelque chose qui en fait partie. Ouais. Donc, c'est un peu le troisième angle de l'exposition, de dire oui, l'art a un pouvoir, mais l'art s'inscrit dans les jeux de pouvoir qui sont déjà en place. Et donc, une dizaine d'artistes qui sont regroupés dans cette exposition-là, autant des artistes professionnels avec une carrière derrière eux, mais également des artistes qui sont encore aux études, au bac, à la maîtrise. J'aimerais ça qu'on prenne le temps un peu de parler de chacune des démarches rapidement, là. Donc, mais en entrant dans l'exposition, on voit d'abord cette œuvre de Mathieu Bouchard qu'on peut voir de recto verso, là. Oui, et puis en fait, ça, c'est quelque chose qui est intéressant, puis c'est quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement voulu, mais Mathieu Bouchard, c'est la seule personne qui s'identifie comme homme qui fait partie de l'exposition. C'est vrai. Puis, on trouvait ça intéressant aussi parce que c'est un regard proprement masculin mm-hmm. sur les jeux de pouvoir parce qu'il travaille avec un magazine Playboy, oui. donc qui a mis à plat, qui a recouvert de tape, de papier... De ruban masqué là, oui. pour faire la peinture. Oui, puis justement, lui, il s'intéressait à la manière dont cette publication-là s'adresse à lui. Ouais. Puis, en mettant tout à plat, qu'est-ce qui surgit? C'est qu'on réalise que les objets qui sont présentés dans les publicités, ils ont à peu près autant de valeur que les femmes qui sont montrées dans mm-hmm. les photographies mm-hmm. ou dans les articles. Puis, c'est un constat un peu acerbe. Puis, on trouvait ça intéressant d'inclure ça aussi. Puis, d'inclure une perspective qui est, si on peut dire, typiquement masculine ou socialement masculine. Oui, ah, oui, tout à fait. Et là, on arrive aussi devant une sculpture de Marie-Ève Fréchette où il y a quelque chose de très abstrait là, dans ce qu'elle fait, même si elle utilise des objets qui sont concrets. Oui, puis en fait, ça, c'est un aspect qu'on, qu'on trouve intéressant d'exploiter parce que justement, ça fait partie un peu du pouvoir de l'artiste d'aller vers l'abstraction, de prendre quelque chose qui est utile. Donc, sa sculpture est basée donc, avec un tuyau et des tabourets. Donc, de prendre l'utile, de le transformer en inutile ou de le transformer en art. Puis là, on peut questionner l'utilité ou l'inutilité de l'art, l'utilité ou l'inutilité de l'objet. Puis c'est comme ça qu'on faisait le lien, nous, avec Jeux de pouvoir, même si c'est quelque chose qui était abstrait. On trouvait que c'est quelque chose qui illustrait bien le pouvoir de l'artiste, justement. Oui, oh oui, tout à fait. Donc, cette notion de manœuvre, de transformation, on le voit aussi dans le travail de Caroline Bélanger, qui est aussi sculpturale, mais il y a quelque chose de très mystérieux aussi, là. Oui, puis c'est ça, il y a quelque chose... Dans l'œuvre de Caroline, on trouvait ça intéressant, le rapport entre, justement, montrer et cacher. Donc, on peut deviner une silhouette humaine, voire une silhouette féminine, mais en fait, c'est l'artiste qui sait quelle matière, quels objets elle a utilisé pour faire sa sculpture, pour créer un objet. Donc, c'est un peu ce jeu-là aussi, entre voir, entre cacher, entre montrer. Puis ça, c'est pour nous un lien avec justement le travail de l'artiste puis le rôle de l'artiste. Et dans le travail de Marion Schneider, c'est une machine qui imprime des tweets. Donc, il y a vraiment une espèce de transformation. Puis, il y a une réflexion qui est très philosophique de nature esthétique dans son travail qui est présenté. Oui, puis c'est ça, c'est de... Pour moi, la réflexion se situe vraiment au niveau... peut-être de l'échange qui est possible d'avoir maintenant, qui n'est pas juste propre à l'artiste qui fait des arts visuels, mais qui est propre à n'importe quelle figure publique ou n'importe quelle figure anonyme qui peut échanger avec n'importe qui d'autre. Puis, qu'est-ce qu'on trouvait vraiment intéressant avec la proposition de Marion Schneider, c'est de justement inscrire le monde de l'art dans cette perspective-là, parce qu'elle utilise le mot-clé ou les mots « this artwork is », donc « cette œuvre est ». Et donc, c'est pour vraiment aller chercher quand les gens, ils parlent d'art ou quand les gens, ils critiquent ou ils s'y intéressent finalement. Donc, les opinions qui sont émises, mais également des impressions, des ressentis. Et on parle de masquer, de montrer. Et dans le travail de Lana Greben, il y a vraiment beaucoup de ça, là, de son utilisation du masque est majeure. Oui, tout à fait, son utilisation du masque est majeure. Puis moi, j'y voyais comme un peu... puis d'ailleurs, ma collègue aussi, Charlotte, il voyait comme une relation face à l'autre. Donc, encore une fois, cette idée-là de masquer, de montrer, de voir comment les gens peuvent nous influencer, comment on peut influencer les autres, comment on peut cacher nos véritables traits, nos véritables intentions. Donc, c'est un peu... puis on trouvait ça intéressant aussi d'inclure deux œuvres. Donc, une œuvre avec, si on peut dire, son dessin. Donc, une personne qui est montrée seule, ou d'autre part, quelqu'un ou une photographie où est-ce que les trois figures sont présentes. Donc, il y a comme les deux œuvres, plastiquement, ils se ressemblent, mais il y a une dynamique qui est complètement différente dans les deux. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, juste à côté, il y a le travail de Gabriel Brochu. Là, on est dans la photographie, mais aussi dans la performance. Puis, il y a l'objet de la performance qui est là, devant nous. Là. Oui, puis ça, c'est un peu, justement, une réflexion sur... les relations sur les jeux de pouvoir qui régissent peut-être le couple, puis essayer de voir comment on se montre à l'autre. Puis l'œuvre s'appelle Stérile. Est-ce que cette manière de se montrer là à l'autre, est-ce que cette manière d'agir en couple puis dans la séduction, est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce que ça va plus dans la stérilité? Est-ce qu'on avance vraiment en faisant ça? Ou est-ce qu'on se bloque? Et puis, Mathilde Bois, elle, c'est... on entre vraiment dans le pouvoir féminin et puis il y a quelque chose de très puissant dans les matériaux qu'elle utilise là, dans ces œuvres-là. Oui, c'est ça. En fait... Mathilde, elle montre des figures féminines de l'Antiquité, souvent de l'Antiquité, voire de la Préhistoire, souvent des figures de la maternité ou de la fertilité. Et pour ce faire, elle utilise comme matériau le sang, donc du sang menstruel, du sang veineux, du sang qui provient d'un placenta également. Donc, il y a une espèce de mise en valeur de la fertilité, mais aussi avec son penchant qui est souvent honni, qui est souvent caché. Ouais, donc, qui est tabou. Qui est tabou, ouais. qui n'est pas montré habituellement. Puis donc, toute une réflexion aussi, veut pas avec l'histoire de l'art, avec la manière de montrer la femme. Donc ça, on trouvait que les relations entre le sujet, entre la réflexion et le matériau étaient présentes. On les trouvait extrêmement intéressante. Oui, c'est quelque chose qui rentre dedans, là, oui. Carrément. Et le travail de Cassandre Boucher, on est dans la sérigraphie, les photographies en scène, les photographies d'archives. Qu'est-ce qui vous a mis en lien avec la notion de pouvoir dans ce travail-là? En fait, nous, on trouvait que c'était une relation par rapport à l'animal, puis plus largement par rapport à la nature, mm-hmm. par rapport à l'environnement, parce qu'on voit un chevreuil qui s'identifie comme le meilleur ami ou qui s'identifie quasiment comme un animal de compagnie. Puis dans l'autre image à côté, il y a le même animal qui est mort. Donc, on voit aussi les personnages. On ne sait pas si c'est les mêmes. Ils semblent avoir, les femmes présentes semblent avoir vieilli. Ouais. Donc, il y a une espèce de... Peut-être une perte de l'innocence par rapport à notre rapport avec la nature. Mm-hmm. Peut-être une prise de conscience mm-hmm. par rapport à notre nature. Puis ça, on trouvait que c'était justement un moyen de montrer l'aspect, si on veut, écologiste, mais les rapports de pouvoir ne sont pas uniquement entre les individus, sont également entre la société ou les individus et le monde qui les entoure ouais. et l'environnement. Et le travail d'Élie Dubois-Sénécal, on est vraiment dans une perspective queer qui se rapproche oui. plus de la performance. Oui, en fait, c'est ça, c'est toute une question de genre, une réflexion par rapport au genre qui est présenté, donc le genre qui est performé, justement, mm-hmm. Dans notre monde. Puis, justement, encore une fois, de montrer quelque chose qui est peut-être pas vu, puis de montrer un inconfort, montrer qu'il y a quelque chose qui cloche peut-être avec cette notion-là de genre. Puis c'est ça, c'est quelque chose qui est très actuel, puis on oui. trouvait ça important de l'inclure aussi. Oui, elle joue très bien avec ses inconforts, Élie Dubois-Sénécal. Et pour terminer, Anne-Marie Proulx, donc qui présente une série photographique sur une table, et c'est sur la Côte-Nord qu'elle a mené ce projet, en allant aussi chercher des archives de prospecteurs miniers. Oui, puis encore une fois, peut-être pour faire le lien avec les œuvres de Cassandre Boucher, c'est mm-hmm. un autre moyen de montrer le rapport... au territoire, notre pouvoir par rapport au territoire, oui. comment que lui nous influence en retour. Puis les œuvres qu'elle a choisies, donc c'est une série qui est beaucoup plus grande que ça, les œuvres particulières qu'elle a choisies, c'est vraiment, ça met l'accent envers notre trace qu'on laisse sur le territoire, oui. Qu'est-ce qu'on en retire mm-hmm. vis-à-vis comment on laisse au bout du compte. Puis c'est... Donc, cette exposition, Jeu de pouvoir, est présentée à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins jusqu'au... 6 avril. 6 avril. Merci beaucoup, Raphaël Ouellette, co-commissaire avec Charlotte Guérin de cette très, très belle exposition. Et nous, on part avec une petite pause musicale. Et au retour, c'est Myriam Leland qui nous parle d'Anna Claus. Bonsoir, Myriam Leland. Bonsoir, Gentilhomme La France. T'es allé voir l'exposition d'Anna Classe présentée dans le cadre de Manif d'art au musée Huron-Wendat. C'est une exposition qui s'appelle Animation. Mm-hmm. Et il y a plusieurs projections dans cette exposition-là. Exactement. C'est une toute petite exposition solo. Mm-hmm. Quatre animations. Ben, en fait, il y a une des œuvres qui n'est pas technologique, si on peut dire ça comme ça. Là. Mais qui bouge, okay. En effet. Mais pas par des mécanismes automatiques ou mécaniques, mm-hmm. si on peut dire ça comme ça. En fait, Anna Classe, moi, je la connaissais pas, personnellement. C'est une belle découverte. Puis, j'ai un peu honte de dire que c'était la première fois que j'allais au musée Huron-Wendat aussi. Mm-hmm. Donc, mis à part cette exposition-là qui est, comme vous allez le découvrir, magnifique. Merci Manif, de nous faire découvrir des lieux de la ville de Québec. Oui, vraiment génial. On n'est peut-être pas habitués parfois, là. Oui, vraiment. Puis, c'est à 20 minutes en voiture. On peut même y aller en autobus, un petit peu plus long, mais oui. Je vous le suggère vraiment. Donc, en fait, Anna Classe, c'est une artiste qui est de descendance anglaise, irlandaise et, je vais dire Mohawk en Mohawk, okay. Ganyangahaga. C'est bon. Donc, elle est de descendance Mohawk également. Elle vit et travaille à Montréal. Mm-hmm. Puis, les quatre œuvres qui ont été sélectionnées, c'est vraiment génial, là. Je vais commencer, en fait, par un de mes coups de cœur. C'est la première qu'on voit en rentrant dans la salle. Elle s'intitule All This Was Once Covered in Water. Mm-hmm. C'est une projection au mur d'assez grande dimension, là, petite salle de cinéma, je dirais. Puis, en fait, c'est la projection d'un plan d'eau, d'un cours d'eau qui flacote un peu. Donc, la surface, on voit pas l'horizon, on voit pas les bords. Okay. Puis c'est pour ça que j'hésite entre plan ou cours d'eau, parce mm-hmm. qu'on ne sait pas si c'est un ruisseau ou un lac. Décontextualisé. Exactement, complètement. Puis étant donné que c'est à plat, ben on ne sait vraiment pas où est-ce qu'on se trouve mm-hmm. là, en termes de plan d'eau, justement. Mm-hmm. Quelque chose de très contemplatif. Là. C'est très contemplatif, c'est très, très apaisant. Mm-hmm. Puis en plus, on a le bruit de l'eau sans nécessairement avoir de musique. Là. C'est super calmant. Puis c'est une toute petite salle. Là. C'est dans la salle Kandiawish, qui est la salle de la tortue. En Wendat. Puis, en fait, c'est ça. Ce que j'ai trouvé vraiment génial aussi, c'est une petite comparaison un peu anodine, mais c'est ce qui m'a marqué dès le départ, en fait. C'est qu'étant donné que c'est sur un plan d'eau qui est un peu sombre, puis on a la lumière du soleil qui réfléchit sur la crête des vaguelettes qui est sûrement créée par le vent ou par le mouvement de l'eau, bien, ça recrée la même constellation qu'on voit sur la fameuse affiche de la Biennale ou même les œuvres de Via Selmins. Donc, avec le scintillement de l'eau, oui, il y a quelque chose des étoiles dans le ciel. Fait que ça confond un peu l'eau, le ciel, même la terre. Mm-hmm. Puis c'est une constante dans l'œuvre de Anna Classe, en fait. Ce que j'ai trouvé bien aussi, c'est qu'il y a le cartel de Manif d'art, mais il y a aussi à côté un petit cartel que le musée Huron-Wendat a pris le temps de composer, qui est peut-être plus axé justement sur la culture autochtone, parce qu'Anna Classe, bien qu'elle soit de descendance Ganyangahaka, qui est Mohawk, elle utilise, oui, des référents de cette culture-là, mais elle utilise aussi des référents de d'autres cultures autochtones mm-hmm. à travers le Canada, surtout. Ouais. Puis, c'est ça, en fait, je trouvais ça intéressant parce que toutes ces œuvres rappellent vraiment cet équilibre-là entre nature et culture, l'humain et le monde, le ciel et la terre, qui est une constante dans toutes les cosmogonies autochtones, que ce soit de l'Est ou de l'Ouest, qui peuvent être très différentes, mais il y a toujours cette question d'équilibre-là qu'on retrouve dans ces œuvres. Une recherche d'harmonie entre les éléments, là, en quelque sorte. Mm-hmm. Exactement. Mm-hmm. C'est ça. Je trouve que c'est une belle entrée en matière comme œuvre. Là. C'est vraiment, vraiment génial. Et donc, il y a une projection au sol aussi? Oui, qui s'intitule Interlacing. Mm-hmm. C'est comme si tu lisais dans mes pensées, c'était mon deuxième coup de cœur, Interlacing. C'est une projection au sol qui ressemble à un tapis octogonal, en fait. Puis ça rappelle vraiment les tapis conçus par William Morris, qui était précurseur du mouvement Arts and Crafts dans l'Angleterre de la fin du 19e siècle. Oui, on est vraiment dans les arts décoratifs. Là. Exactement, dans l'artisanat, comme mm-hmm. le terme le dit, là, Arts and Crafts. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que, comme tu l'as mentionné, c'est une projection. Donc, on a la forme du tapis avec une genre de lisière de gazon qui rappelle les franges d'un tapis. Puis, au centre, dans l'octogone central, c'est une projection. Donc, pas de la broderie ou quoi quoi que ce soit. Donc, on mélange vraiment artisanat et technologie. Et alors là, c'est en mouvement, là? Oui, c'est en mouvement. Puis, il y a l'air d'avoir quelque chose de kaléidoscopique qui vient avec cette forme-là. Exactement. Mm-hmm. Puis, ce qui m'a vraiment touchée de cette œuvre-là, qui est vraiment poétique selon moi, c'est que les plantes qui servent de décoration florale, qui est vraiment typique du Arts and Crafts, oui. Justement, très décoratif, ouais. Très floral, ben, en fait, ce sont des plantes médicinales et comestibles qu'on retrouve sur le territoire Sequempec. qui est en fait le territoire de Kamloops, en Colombie-Britannique. Okay. Donc, ce sont vraiment des plantes qui sont spécifiques à ce mm-hmm. territoire-là, donc qui viennent remplacer une tradition anglaise qui fait aussi partie des racines de Hannah Claus, puis qui vient marier les traditions autochtones aussi. On vient marier aussi le arts and crafts, l'artisanat, avec la technologie. Donc, je trouve que c'est une belle métaphore de son métissage identitaire culturel ouais. à même l'œuvre ouais. sur le plancher. C'est et une relation wow. très, très intime avec le territoire. Là. Oui, mm-hmm. exactement. C'est ça. Et une autre projection qui fait partie de l'exposition d'Anna Claus au musée Rouyn-Noranda, c'est Everlasting. Oui, c'est ça. Everlasting, qui, c'est ce qui est bien aussi, c'est que les projections ne sont jamais dans les mêmes Donc, c'est ça. Donc, on a All This Was Once Covered in Water, qui est au mur, le tapis dont je viens de parler, Interlacings, puis celle dont tu parles, ouais. Everlasting, elle est suspendue, en fait. On a une espèce de papier translucide. Là. Oui, ouais. Puis devant et derrière, il y a comme des fils de pêche suspendus à la verticale, pardon. Puis, en fait, la projection, c'est deux images projetées superposées dont la transparence va jouer pour qu'on voit plus l'une, plus l'autre. Mm-hmm. Puis, en fait, c'est un motif de ceinture wampum qui est le motif de... là, j'aurais peut-être pas le terme exact. C'est l'arbre qui durera toujours, je crois. Okay. Donc, c'est vraiment un motif qui rappelle un peu des sapins qu'on dessine quand on est enfant, là, oui. avec des genres de triangles un par-dessus l'autre. Les chevrons, là, un peu. Exactement. Oui, oui, oui. Motif de chevron. Puis... derrière ou devant, dépendamment d'où est-ce qu'on est dans la projection, il y a une image de pin blanc qui est aussi un symbole pacifiste mmh, mmh. dans la culture Haudenosaunee, si je me trompe pas. Donc, comme je disais, elle mélange beaucoup de cultures autochtones, mais c'est toujours identifié. Donc, ce qui est quand oui. même bien, c'est que c'est vraiment des citations et non... juste prendre des éléments oui. par-ci, par-là. Oui, c'est important de le spécifier, exact. Justement, pour aller chercher ces spécificités-là, oui. Pour ne pas se répéter dans la même phrase. Et avec ces trois projections-là de Hannah Claus qui sont présentées dans l'exposition animation, il y a également une œuvre en suspension. Oui, c'est ça qui est comparé à Everlasting, en fait, qui est suspendu, mais à hauteur d'homme. Donc, on est vraiment face à face avec cette œuvre-là. Birds est un peu mm-hmm. plus aérienne, comme on peut se douter. Ce sont des ronds de papier photographique. Okay. Il y a une impression bleue, blanche, là, un peu nuageuse. C'est mm-hmm. ça à quoi ça me fait penser. Qui est suspendu comme un mobile, en fait. Ça fait vraiment un nuage, comme un nuage d'oiseau suspendu. Mm-hmm. Puis ça bouge, comme on mentionnait, mais pas au rythme de technologie. C'est vraiment le passage des visiteurs. Donc, les petits courants d'air qui vont exact. Faire bouger avec subtilité cette installation. Donc, j'en profite pour mentionner, en fait, parce que cette œuvre-là, elle a une sœur qui lui ressemble, qui a été créée quelques années plus tard, qui s'appelle Watersong, qui est présentement en à présentation à Joliette dans l'exposition de tabac et de foin d'odeur qui est commissariée par le commissaire Wendat aussi, justement, Guy Sioui Durand. Puis c'est jusqu'au 5 mai au Musée d'art de Joliette, ça. Donc ça peut valoir la peine d'aller, parce qu'il y a beaucoup d'artistes autochtones dans la oui. biennale, donc ça peut être vraiment bien de retrouver mm-hmm. des artistes qu'on a même aussi ici au Musée national des beaux-arts du Québec. Là, il y a Caroline Monet aussi, c'est vraiment une belle exposition. Et l'exposition d'Anna Claus au musée Huron-Wendat, elle dure jusqu'à? Jusqu'au 21 avril 2019. Puis, dernière petite information, il y a une conférence, performance, / présentation. Oui, la semaine prochaine. Mercredi prochain, oui. Donc même jour, même heure, en fait, ça va être à 18h30 aussi au musée Huron-Wendat jusqu'à 21h. Donc, ça vaut vraiment la peine de passer voir ça. Merci beaucoup, Myriam Leland. Merci à toi. Et nous, on écoute un extrait de Fishback et au retour, c'est l'agenda de la semaine et on termine l'émission doucement avec Pierre Blais. Alors, c'est ainsi que... Pardon, l'agenda de la semaine est très, très court cette semaine. On a parlé d'ExoMars en tout début d'émission. C'est vendredi le vernissage à partir de 19h aux ateliers du réacteur et ça dure seulement pour la fin de semaine. Ça vaut la peine. Allez faire un tour pour aller voir les œuvres des étudiants de la maîtrise en arts visuels et médiatiques au réacteur. J'aimerais terminer en remerciant nos invités, Sylvia Pellissier, Florence Guerrier-Py et Raphaël Ouellette. Merci à Myriam Leland pour la super chronique. J'aimerais également remercier Jacques Gignac, le pôle clé de la mise en onde, et un grand merci également à Simon Roy pour les découvertes musicales. Et nous avons actuellement en studio Pierre Blais de l'émission Situation Critique. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Bonsoir Pierre. J'étais là, mais pas le micro. Le micro vient d'apparaître. Alors, on parle série télé. Oui, parce que c'est une émission de cinéma que j'anime, mais il faut parler aussi de la production en général à Québec. Et si production, il y a, ça inclut les longs-métrages, les courts-métrages, il y en a pas tant, ben des courts un peu plus, des longs plus rarement, autant documentaires que fiction, mais des séries télé, c'est tellement rare. Ben oui. Mais il y en a une en deux saisons qui a été tournée à Québec, et c'est La Dérape. La première saison a été tournée, voilà déjà, je pense, un an et demi, quelque chose comme ça. Ça a été présenté sur Illico l'an passé. Et là, en ce moment, à TVA, on présente la première saison parce qu'on la met sur les plateformes au départ payantes. Mm-hmm. Par la suite, sur les réseaux normaux, c'est le cas avec l'Extra Tout TV de Radio-Canada. Oui. Là. Donc, présentement à TVA, on diffuse la première saison. Et en même temps, sur Illico, ben, on diffuse la deuxième saison. Et là, vous allez avoir le réalisateur Richard en studio. Lacombe, un des co-réalisateurs tout à fait en studio parce qu'il est de Québec. La série a été tournée à Québec avec des gens de Québec, sauf les comédiens qui viennent à peu près tous de Montréal. Et ben, là, évidemment, on ne chialera pas là-dessus. Mais c'est bien qu'il y ait une production, c'est la production de Parallax, qu'on tourne ici dans la capitale une série télé avec de nombreux épisodes. Et ça s'adresse à un public, je te dirais, de surtout, ben, c'est pour tout le monde, mais surtout les 16 à 25 ans parce que les personnages principaux de la série, ils ont quoi, entre 16 et 20 ans. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Et on leur fait présentement, autant à la télé qu'au cinéma, à cette génération-là, beaucoup de place. Alors, c'est dans une minute, avec Pierre Blais, à Situation Critique. Vroom. CKRL. Communication. Culture. À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Isabelle, de la succursale de Loretteville, vous suggère « Nous sommes là » d'Oliver Jeffers aux éditions Kaléidoscope. L'auteur nous charme avec ses histoires simples, drôles et intelligentes. Ses illustrations colorées nous expliquent ici la nature dans son ensemble. Un livre à offrir à tous les nouveaux parents.